Camille Kobi, Yann Adesh, Sophia Teillet, Timmy, Chloé Oliveres, La Bête, Bartholomé Boutelis, Le Narrateur. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Philippe Mercher. Assistante, Alexandra Malka. Et réalisation, Christine Bernard-Sugy. Culture, il est 21h. Question de sens. Aujourd'hui, Frédéric Lenoir. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir. Avec la participation de Lélie Anvar. Bonsoir à toutes et à toutes qui écoutez ce soir France Culture pour la première diffusion de cette émission « Les Racines du Ciel ». Alors, ceux qui connaissent Romain Gary savent que c'est le titre de l'un de ses ouvrages, d'un de ses plus beaux ouvrages, qu'il a écrit en 1956, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas un livre consacré à la spiritualité, c'était un livre consacré à l'écologie. C'est probablement le premier grand roman écologique puisqu'il se passionnait pour la cause des éléphants en Afrique. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau titre pour parler de spiritualité puisque c'est le sujet de cette émission qui sera diffusée tous les mardis soirs à 21h sur France Culture. Une émission qui va parler à la fois de la religion et de la quête spirituelle, et surtout de la quête spirituelle, puisque la religion a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociologique, collective, qui peut évidemment donner des traits très politiques, et puis il y a une dimension intérieure, celle de l'individu qui recherche la vérité, celle de l'individu qui est engagé dans un chemin, dans une quête. Et c'est cette dimension essentielle de la spiritualité, cette dimension intérieure dont nous allons parler à travers des thèmes très divers chaque mardi soir. Et donc nous parlerons du désir, du silence, de la souffrance, de l'amour, de la joie, de la violence, de tout ce qui, dans un chemin spirituel, fait partie de ce chemin et de ses obstacles et de ses désirs et de cette quête. Donc la spiritualité, c'est à la fois de la religion et en même temps ça dépasse la religion, puisque il peut y avoir évidemment dans la religion toute une dimension communautaire et politique. Donc nous ne ferons pas d'émission sur l'inquisition, nous ne ferons pas d'émission sur la dimension sociologique de la religion. Nous allons faire à chaque fois des émissions qui, sur des thèmes essentiels, vont essayer de parler de spiritualité, c'est-à-dire, encore une fois, de la quête, du cheminement intérieur des individus qui recherchent l'absolu, qui recherchent un sens à la vie. Voilà finalement peut-être la meilleure définition de la spiritualité. Et nous allons aborder aujourd'hui, je pense que pour démarrer sur cette émission, c'était le meilleur thème possible, ce qu'est justement la quête intérieure. Alors pour parler de la quête intérieure, j'ai le grand plaisir d'inviter Fabrice Midal. Bonsoir. Bonsoir. Alors Fabrice Midal, je vous présente en quelques mots pour les auditeurs. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez été formé par François Fédier, à qui vous avez rendu hommage dans Portrait de maître et les profs de philo vus par leurs élèves, CNRS édition. Vous-même, vous enseignez la méditation bouddhiste depuis plus de 10 ans et vous avez fondé l'association Prajna et Philia pour établir un bouddhisme occidental, un bouddhisme en dialogue avec la philosophie, la poésie de l'Occident. Vous dirigez la collection Esprit d'ouverture aux éditions Belfond et vous avez publié de nombreux ouvrages, donc je vais juste en citer quelques-uns. Vous avez votre premier livre, je crois, c'est La pratique de l'éveil, qui se trouve dans la collection Point Sagesse aux éditions du Seuil en 1997. Moi, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est un sujet sur lequel j'avais fait ma thèse également de doctorat, Quel bouddhisme pour l'Occident, toujours aux éditions du Seuil en 2006. Et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Risquer la liberté, vivre dans un monde sans repères » aux éditions du Seuil. Donc ce livre est sorti il y a quelques mois. Et c'est en lisant ce livre que j'ai vraiment eu envie de vous inviter pour cette première émission sur la spiritualité. Je lis quelques petits passages de votre introduction avant de vous donner la parole. Vous dites « On ne trouvera pas dans ce livre, on ne trouvera aucune recette pour être heureux. Son ambition est autre, permettre d'assumer le tragique inhérent à toute existence authentique. » Nous n'avons plus de repères. Je ne vais pas en proposer de nouveaux. Ne faisons pas comme si la dévastation et ce que la philosophe Simone Veil nomme le déracinement ne nous étreignaient pas. Ne faisons pas comme si Hiroshima et Auschwitz n'avaient pas mis à mal les rêves les plus anciens de l'humanité. Nous en sommes inconsolables et nous avons le devoir de le rester. Telle est la seule éthique possible pour notre temps. Non plus fonder ou rétablir une morale de plus avec ses règles fixes de comportement, mais dans une incertitude bienveillante, assumer pour de bon notre condition et découvrir à neuf comment être. Les chapitres de cet ouvrage veulent montrer par où chacun de nous peut dessiner son propre chemin en affrontant tous les champs de son existence. Un chemin réel pour l'homme qui refuse à renoncer, qui ne veut pas d'une vie écrite d'avance, qui veut garder l'envie de l'espace du ciel, qui veut garder l'aspiration à l'amour le plus haut, qui veut garder les yeux ouverts et la tête droite. C'est très beau. Merci. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que vous dites là, c'est vraiment le cœur du cheminement spirituel. Et pour en parler, la première question que j'ai envie de vous poser, vous montrez très justement dans votre livre que le chemin spirituel commence par un certain nombre de ruptures. Il commence finalement par une décision individuelle. Parce qu'un individu qui chemine doit à un moment donné accepter le risque de ce chemin, qui peut être solitaire, donc c'est le risque de la solitude aussi, le risque d'être incompris. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette première idée du cheminement spirituel, qui est la rupture, la coupure. Peut-être la plus belle chose que j'ai lue sur cette question-là vient d'un poète, Rilke, qui dit dans Sonnet à Orphée, « Les souffrances ne sont pas reconnues, l'amour n'est pas appris, et ce qui dans la mort nous éloigne n'est pas dévoilé. » Et au fond, c'est tout simple. Je crois que le chemin spirituel commence quand d'un seul coup, ces questions-là nous étreignent, et qu'on ne peut pas se résoudre à être juste un producteur-consommateur. Et le grand problème de la spiritualité, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agirait d'une sorte d'élévation hors des contingences du monde. C'est le contraire. La spiritualité, c'est le plus haut degré de sérieux quant à ce qu'est l'être humain. C'est le refus de réduire l'être humain à une fonction sociale, à un rôle, mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'il en est de notre existence? Et effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a une rupture. La rupture, c'est ne pas accepter un certain schéma conformiste, ne pas accepter juste de vouloir faire plaisir aux autres, mais devoir prendre charge de sa propre existence, de devenir responsable de sa propre existence. Et voilà au fond le début de ce que devrait être la spiritualité. Malheureusement, c'est un peu le thème du livre, souvent on finit par entrer dans des chemins qui cessent de devenir chemins pour devenir des autoroutes. Or, la vérité du chemin, pour réussir à comprendre, j'étais sensible à que vous prononciez ce mot dès l'entrée de la présentation de votre émission, la vérité du chemin, c'est qu'on est à la fois l'arpenteur, le constructeur de la route et le voyageur. C'est pas une route, le chemin spirituel n'est pas une route comme une autoroute où on n'a plus à réfléchir et à la suivre tout seul. Le danger, c'est qu'à un moment, on s'inscrit par exemple dans une tradition et on finit par renoncer à cette brûlure qui nous questionne. Donc de tous les côtés, le danger est grand. Et c'est à dessein que je cite un poète, parce qu'on aurait tendance à dire la spiritualité c'est quelque chose qui est un peu à l'extérieur de l'essentiel, mais au fond, la vérité de la philosophie, la vérité de l'art, de la poésie, sont au fond cette quête spirituelle, si on entend cette quête pour sortir du conformisme le plus creux. Et au fond, même un peintre comme Matisse, il disait la liberté, j'y étais forcé parce que je n'arrivais pas à peindre comme les autres. Et au fond, c'est ça. C'est un seul coup, on ne peut pas réussir à vivre une vie aussi terne, que notre vie soit une suite de jours. Mais qu'est-ce qui, au fond, pourrait redonner sens à l'existence ? Et là, c'est l'aventure qui commence. Et il faudrait réussir à comprendre que le chemin, c'est d'abord une aventure extraordinaire, une aventure fidèle aux racines du ciel, comme votre émission, à toutes les racines. Bien sûr. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans votre propos, c'est qu'effectivement, vous prenez appui, pas simplement sur des mystiques, mais vous prenez appui sur des peintres comme Cézanne, il y a un chapitre magnifique sur Cézanne, vous prenez appui sur des poètes comme Rainer Maria Rilke, William Blake, vous prenez appui sur des philosophes comme Nietzsche ou Heidegger. Et je crois que c'est très juste de montrer à quel point la spiritualité, c'est une dimension universelle, c'est une dimension humaine fondamentale qu'on retrouve partout, bien en dehors des religions instituées. Et ce que vous montrez, qui me paraît très important aussi, c'est que au sein des religions, le danger, c'est le conformisme, c'est effectivement de s'habituer, d'être dans une routine qui fait que la quête elle-même perd son sens, on ne sait plus pourquoi on est là, et c'est l'image classique de on va à la messe ou à la synagogue et on fait des rituels en oubliant le sens, la symbolique, et à quel point ces rituels doivent nous engager à nous transformer. Alors, la question que j'ai aussi envie de vous poser, c'est au fond, si on se met sur un chemin, c'est qu'on a envie de cheminer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas pour chaque individu, à l'origine de toute quête spirituelle, un désir? Ah oui, un désir, au sens le plus haut du terme. Là, je parlais d'incendie, il y a quelque chose qui vous brûle, vous ne pouvez pas vous résoudre à être à une vie si terne. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et en général, au fond, on pourrait dire tout le monde a été marqué par une expérience spirituelle parce que tout le monde a fait l'expérience de quelque chose de plus haut que juste les jours ternent les uns après les autres. Et la seule question, c'est comment faire pour leur être fidèle. La question, c'est pas, il y a des gens qui auraient une expérience spirituelle qui serait privilégiée et les autres non. Non, tout le monde a fait cette expérience. Par exemple, en étant dans la nature. Dans la nature, les gens, tout le monde a fait cette expérience d'une ouverture où on est décentré. On pourrait dire, s'il y avait une phrase pour dire en une phrase qu'est-ce que c'est la quête spirituelle, c'est d'un seul coup, ce n'est plus moi-même et encore moi qui est la question, mais d'un seul coup, vous êtes intéressé, vous êtes ouvert par la beauté des choses, par le rythme du monde, par l'amour, etc. Donc, tout le monde a fait cette expérience-là, toute simple, dans la nature, toute simple en parlant à quelqu'un et sentant qu'il est aimé, qu'il y a une sorte de détente première qui se manifeste. Donc, c'est pas une expérience mystique, le cœur de l'expérience spirituelle. Le problème, c'est que notre temps porte si peu attention à cela, est tellement préoccupé par des concepts qui s'accumulent à d'autres concepts, qu'on finit par considérer comme inimportant cette question-là. Et vous avez tout à fait raison de souligner que la religion peut devenir un piège. Je raconte dans le livre qu'un jour, j'étais écouté un maître tibétain parce que je m'inscrivais dans cette tradition, et j'entendais exactement le même discours que je connaissais. Juste en appuyant sur un bouton, c'est la même chose qui était répétée. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai écouté un morceau de musique de Schubert, et j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et je me sentais presque coupable. Et d'un seul coup, je me suis dit, non, il faut que je sois fidèle à ça. Cette musique de Schubert est beaucoup plus, en me touchant jusqu'aux larmes, désécaille mon cœur, désécaille mon être et me met en rapport à quelque chose de complètement vrai. Et je me suis dit, il faut que je sois fidèle à ça. Et j'irai au concert. je cesserai d'aller systématiquement, enfin régulièrement écouter des maîtres tibétains dans lesquels ils ne se risquent rien. Et je crois que la vérité de la quête spirituelle est le fait que quelque chose se risque. Parce que vous êtes dénudé dans cette expérience même toute simple que je viens d'évoquer dans la nature ou quand vous vous sentez aimé, vous êtes dénudé. Et au fond, pourquoi la quête spirituelle est si mal comprise, c'est qu'il y a un dénuement. Il y a une sorte de fragilité. Donc c'est le contraire de ce qu'on pourrait croire. La quête spirituelle, c'est pas une manière de rêver en se barricadant, c'est le contraire. C'est accepter de se mettre à nu. Et au fond, tous les témoins spirituels de toutes les traditions parlent de ce dénuement, de cette manière de ne pas réagir à la violence du monde par davantage de violence. Et je crois que là, il y a quelque chose d'une urgence encore plus grande que jamais. Et mon intérêt pour les artistes, et particulièrement, vous l'avez souligné pour Cézanne, c'est que Cézanne fait le risque maximum, puisque Cézanne, au fond, il ne sait même plus peindre une pomme. Il peint une pomme inlassablement, il sait plus. Il regarde une pomme ou une montagne, la montagne Sainte-Victoire, en ne sachant plus ce que c'est, avec l'émerveillement complètement de l'enfant. Et il y a tous ceux qui ont témoigné de cette quête parlent du rapprochement qu'il pourrait y avoir entre ce regard de l'enfant, cette innocence première retrouvée, cette innocence à volonté, comme dit Baudelaire, qui serait le sens véritable du génie, et la quête spirituelle. Tout ça pour dire que c'est le contraire de ce qu'on croit. C'est pas une question d'érudition réservée à quelques-uns. C'est le plus simple du simple. Et si on ne redonne pas droit à ça, notre vie va devenir de plus en plus étouffante. Et là, on pourrait dire qu'il y a plus que jamais aujourd'hui une responsabilité sociale de redonner droit à cela dans un temps où l'être humain est de plus en plus réduit à du calcul. On vous demande vos opinions, on vous met dans des cases et on oublie que le fond de notre être est plus vaste que tout ce qu'on peut en dire. Et effectivement, vous rappelez que c'est le dénuement qui conduit à la spiritualité. On pourrait dire qu'on s'enrichit en s'appauvrissant. C'est ça le grand paradoxe de la vie spirituelle. On pourrait citer la phrase de Jésus dans les évangiles. Il faut redevenir comme des petits enfants, pour cheminer dans le chemin spirituel. Et c'est un des points communs qu'on va retrouver chez beaucoup de mystiques de toutes les traditions. La question que je voulais encore vous poser en quelques mots, c'est que je vous ai posé la question du désir parce que je pense qu'il y a au départ une soif, on a envie de quelque chose, on cherche quelque chose, sinon on ne se met pas en route. On peut rester sans religion, dans une tradition religieuse, ne pas se poser de questions et vivre finalement que simplement selon des motivations matérielles, des motivations de bien-être, de confort. Est-ce que vous croyez que tous les êtres humains ont ce désir d'autre chose, c'est-à-dire se posent la question de pourquoi ils vivent et se mettent en route à un moment donné, ou en tout cas on se désire de se mettre en route? Moi je crois que oui, je crois que oui, et si je regarde ma propre expérience, la vie m'était absolument insupportable avant d'entrer dans le chemin. Alors c'est pas toujours aussi tragique pour tout le monde, mais la vie m'était absolument insupportable. Je suis l'héritier d'une tradition juive où un grand nombre de familles est morte en camp, et j'étais l'héritier de, pas la troisième génération de ça, mais ça me faisait faire des cauchemars en permanence. La vie était pour moi impossible. Alors c'est vrai que là, c'est le cas le plus extrême. Du coup, vous avez le désir est absolument brûlant. Vous ne voyez pas comment faire autrement. Il faut trouver quelque chose qui vous réoriente. Et là, c'était pour moi la découverte de la pratique de la méditation, qui me semble le cœur de la voie spirituelle, parce que libre de tout concept, de tout engagement, de toute foi, mais qui est direct, qui m'a complètement transformé et qui fait que la vie est devenue possible pour moi. Sur France Culture, dans l'émission Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir. Nous sommes en compagnie de Fabrice Midal qui nous explique que la spiritualité, c'est aussi la musique. Nous venons d'entendre un très bel air de Mozart. Oui, le deuxième mouvement du concerto 23. Bruno Walter, qui est un chef d'orchestre, disait « Il faut que cela soit si gai, que l'on ait envie de fondre en larmes. » Et voilà peut-être... une manière d'entendre ce que c'est la quête spirituelle. Et Ockhard, qui a écrit de très beaux livres sur Mozart, montre que tout le travail de Mozart a été ce mouvement de désappropriation de la tentation de puissance pour entrer dans une véritable pauvreté. Et je crois que voilà au fond ce qu'est cette quête. Et il faudrait réussir à entendre que Mozart n'est, c'est pas les musicologues ou les historiens qui nous en disent la vérité, mais c'est la manière dont on peut être ému jusqu'aux larmes par cette musique qui nous en dit la vérité. Et Mozart lui-même le disait, il ne parlait que de son désir d'une écoute simple, dont le silence approbateur était la plus belle récompense qu'il pouvait recevoir. Alors on l'aura compris, la spiritualité se vit dans, à travers la musique, à travers une expérience dans la nature, à travers des rencontres humaines, se vit à travers une descente à l'intérieur de soi. Et évidemment, ceux qui pensent qu'elle ne peut se vivre que dans l'au-delà, dans une sortie de leur corps, dans une sortie de l'expérience terrestre, sont dans des illusions. Vous dites très justement dans votre livre, et vous étudiez trois domaines, une manière d'enraciner la spiritualité, vous voyez les racines du ciel, on est vraiment en phase, c'est de regarder au fond l'expérience du travail, de l'argent et du sexe. Et c'est à travers ces trois grandes expériences qu'on peut voir comment s'incarne, comment se vit une spiritualité. Alors ça c'était aussi un petit clin d'œil au maître qui a le plus compté pour moi de méditation, Shogam Trungpa, qui est un maître du bouddhisme tibétain, mais complètement iconoclaste, qui a abandonné sa robe de moine au début des années 70 et qui est venu aux États-Unis enseigner, qui est devenu l'ami des poètes de la Beat Generation, comme Allen Ginsberg. Donc le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui du bouddhisme tisane, un peu édulcoré, qui ne prend aucun risque. Et quand il a commencé à enseigner, il faisait partout des tours. Ses enseignements étaient toujours travail, sexe et argent. Alors dans ce souci justement de montrer que rien n'est plus concret que cet engagement spirituel. Le travail, l'argent et le sexe, au fond, c'est trois choses qu'on aimerait peut-être oublier pour entrer dans la spiritualité. Et au fond, c'est le contraire. C'est ça qu'il faut regarder. Alors le travail, c'est d'abord le sens de la vocation. Comment le travail peut pas être juste un accomplissement matériel de choses, mais quelque chose qui nous réponde, une vocation. La plus belle chose que j'ai lue sur le travail, peut-être, c'est encore une fois Rilke. Rilke arrive à Paris, rencontre Rodin, et il dit dans une lettre « Ce n'est pas seulement pour faire une étude que je suis venu chez vous, c'était pour vous demander comment faut-il vivre. Et vous m'avez répondu en travaillant. Et je le comprends bien. Je sens que travailler, c'est vivre sans mourir. » Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire de travailler? Qu'un travail soit justement pas un accomplissement, enfin, soit pas juste une productivité, une action dont la seule mesure est le rendement quantitatif, mais où on se sent exister, où on se sent vivre. Et là, la question de la vocation est absolument centrale. Et on a tort en général de dire, par exemple, qu'il faudrait quitter le monde pour entrer dans la spiritualité. Ça peut être une voie pour certaines personnes. Mais en gros, on a tort parce que c'est dans le quotidien que ça doit se vivre. Et tous les grands témoins nous l'ont dit. Pour l'argent, j'aime beaucoup l'exemple que raconte Proust en parlant de quelqu'un qui est très malheureux. Il va au Louvre, il voit des somptueux tableaux de grandioses, il rentre chez lui, tout est terne et triste, et il se dit « Ah, j'ai pas d'argent, ma vie est sans poésie, sans inspiration, complètement terne. » Et Proust lui dit « Mais non, il faut retourner au Louvre, mais t'as pas vu les beaux tableaux, il faut aller voir les tableaux de Chardin. Et regarde les tableaux de Chardin. » Et en voyant les tableaux de Chardin, il réussit à montrer deux pêches, une raie, des choses toutes simples, et le souffle poétique est là. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est pas la quantité d'argent qui ouvre le cœur, et le regard poétique peut être déployé dans n'importe quelle condition. Il y a une possibilité du regard poétique. Avec l'argent aussi, et la question d'être comment être sans attache et libre. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas avoir de l'argent ou pas en avoir, que c'est pas une question de critiquer l'un ou l'autre, mais la question c'est comment pouvoir avoir un rapport libre par rapport à l'argent. Mais ce qui est aussi très intéressant chez Shogam Trungpa, c'est qu'il disait l'argent, on lui donne plein de mots, du blé, du flouze, de l'oseille, parce qu'il y a quelque chose qui au fond nous gêne un peu, et il faut regarder. Ce fait qui nous gêne, ça c'est le début de la quête spirituelle, c'est le début de la vraie mystique, parce que le cœur de la mystique, c'est de nous désarmer, de toucher un point d'incertitude. C'est le contraire encore de ce qu'on pourrait croire, mais le cœur de la quête spirituelle, c'est de toucher l'incertitude et d'apprendre à y habiter. Et avec l'argent, on est toujours embarrassé quand on reçoit son compte en banque. Et cet embarras, il faut le regarder, ça peut être une occasion de voir son propre esprit. Parce que l'autre chose absolument cruciale de la quête spirituelle, c'est d'apprendre à ne pas toujours penser qu'on est victime du monde extérieur, mais sentir que notre esprit teinte le monde, que quand on est en colère, le monde est en colère. et que si on travaille sur son propre esprit, on peut aider à qu'il y ait moins de colère dans le monde. Donc là, il y a vraiment, en réalité, un vrai lien entre nous et le monde. Et cesser de se penser victime, c'est pouvoir se transformer. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel on se pose toujours en victime de tout et on oublie que ben, peut-être que nous-mêmes, on peut avoir une part de responsabilité à la fois dans ce qui nous arrive, mais dans ce qui arrive aussi au monde. Et donc, se sentir responsable, c'est ce que vous disiez tout au début de l'émission. Au fond, la notion de responsabilité personnelle est très forte dans l'idée de spiritualité. On n'est plus dans une logique d'obéissance, de soumission. Ça, c'est clair. On n'est plus non plus, comme vous le dites, dans une logique victimale. Et ça, je crois que c'est vraiment deux éléments très importants qu'on va retrouver dans tous les grands thèmes spirituels que nous abordons dans cette émission. Vous nous avez parlé de la manière dont la spiritualité peut s'incarner, effectivement, doit s'incarner dans le travail, l'expérience quotidienne du travail, dans le rapport que nous avons à l'argent. Alors, la question du sexe, évidemment, on a plutôt l'image que dans la vie spirituelle, c'est quelque chose d'encombrant, de gênant. On voit combien les moines ont souvent cherché à se flageller pour oublier tout désir charnel. Alors, comment est-ce qu'on peut, effectivement, vivre l'expérience sexuelle et la relier à un cheminement spirituel ? D'abord, c'est l'expérience la plus directe de nudité, de nudité réelle. Si on accepte de ne pas en faire un nouvel instrument de domination et de puissance, où c'est moi, moi-même et encore moi. Et là, encore une fois, Rilke est un guide incomparable. Il dit dans L'être un jeune poète, « La volupté de la chair est une chose de la vie des sens, au même titre que le regard pur, que la pure saveur d'un beau fruit sur notre langue. Elle est une expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance de tout l'univers. » La connaissance même dans la plénitude et sa splendeur. Le mal n'est pas dans cette expérience, mais en ceci que le plus grand nombre en mésuse, proprement la galvaude, elle n'est pour eux qu'un excitant, une distraction dans les moments fatigués de leur vie, et non une concentration de leur être vers les sommets. Alors, sans parler de la dimension de comment dans la sexualité, il y a vous touchez à quelque chose, disons, de l'absolu, un abandon complet, mais même de manière très, très concrète. Vous êtes dans la nudité, dans une ouverture qui vous échappe. Vous êtes de la manière la plus aisée, vous acceptez de la manière la plus aisée que quelque chose vous dépasse. Et voilà pourquoi la sexualité devrait être complètement intégrée à la voie spirituelle. Alors pourquoi dans tant de traditions, à commencer par le bouddhisme que vous enseignez, au fond on a le sentiment que ce qui est privilégié c'est la voie monastique qui élimine complètement la question de la sexualité. Moi je me suis engagé dans la voie du bouddhisme Vajrayana qui au contraire... C'est le bouddhisme tibétain. Du bouddhisme tibétain, enfin c'est le bouddhisme, oui, c'est le bouddhisme tantrique parce qu'on trouve aussi des formes au Japon qui au contraire... Qui l'inclut à part entière. Enfin, pas pour le Dalai Lama, pour la plupart des grands maîtres tibétains, ont renoncé à toute vie sexuelle. C'est clair. Alors, est-ce qu'il passe à côté d'une dimension essentielle de l'existence ? Non, je pense qu'il y a plusieurs voies. Je peux juste témoigner de la mienne. Je comprends la voie monastique, je pense qu'elle a son sens. Mais pour la plupart des gens qui ont des expériences sexuelles, autant en profiter et faire que ces expériences deviennent non pas l'occasion... d'une fuite, d'un divertissement, mais l'occasion d'ouvrir son cœur et d'entrer dans l'amour véritable. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour essayer de montrer, encore une fois, que cette quête spirituelle, elle est à portée de chacun. Maintenant, je comprends très bien la grandeur de la voie monastique. Je pense aussi, par contre, que si on essaie de penser un peu historialement notre temps, qui est marqué tellement par la dévastation, on pourrait dire, en langage encore plus simple, par cette dépression larvée qui fait que l'OMS dit que ça va devenir d'ici quelques années la première cause de mort des pays occidentaux, le suicide. Et la dépression est tellement prégnante qu'à mon avis, il faut repenser la quête spirituelle dans cette perspective-là, ce qui implique de repenser plus avant la beauté, le sens de la beauté. Et que le renoncement... Il doit bien sûr être compris, mais insister trop au renoncement dans un monde comme le nôtre, à mon avis, n'est pas juste. Je pense qu'on peut pas non plus parler de la quête spirituelle au XXIe siècle comme on en parlait au XVe ou au XVIe siècle. Notre temps n'est pas celui des cathédrales, mais celui des supermarchés et des aéroports. Donc il faut réussir à penser. Qu'est-ce qui se passe dans cette dépression larvée ? Il faut qu'on réussisse à comprendre une chose toute simple. Le problème majeur que nous avons n'est pas un problème psychologique, n'est pas tant un problème social. C'est la haine de la poésie, c'est la haine de la spiritualité. Notre monde est entièrement orienté sur cette haine de la poésie. La poésie est considérée comme chose complètement accessoire. La spiritualité est un truc après, quand tout le reste sera pris en charge. Mais si on ne met pas ça au cœur de l'existence, à partir d'où on regarde tous les problèmes, ce niveau de dépression n'ira que croissant parce que l'être de l'être humain n'aura pas été regardé, n'aura pas été respecté, n'aura pas été considéré. Combien de temps on va accepter d'être simplement utilisé à merci pour faire marcher la machine économique? Il y a quelque chose qui est impossible dedans. Je suis d'accord avec vous. En même temps, je suis pas sûr qu'on ait une haine de la spiritualité ou de la poésie. Je crois qu'on a un oubli de ce qu'est de ce qu'elles sont, plus qu'une haine. Je crois qu'on est plus devant de l'indifférence et de l'ignorance. Moi, ce qui me frappe plus dans notre époque, c'est pour ça que Socrate me paraît aussi un individu, un maître particulièrement juste pour notre époque, c'est qu'on est une grande époque d'ignorance et d'indifférence. Et que c'est peut-être juste. Que ce qu'il faut faire, c'est réveiller tout simplement le c'est désir de spiritualité chez des individus qui n'ont pas appris que se poser des questions sur le sens de la vie et essayer de lire des êtres éveillés qui ont fait tout un chemin dans ce sens-là, de lire des poètes, d'écouter certaines musiques, peut faire grandir l'individu et le sortir de sa dépression dont vous disiez très justement que c'est le mal de notre temps. Vous avez raison au fond, c'est ça. L'essentiel, c'est comment réouvrir le désir, comment dire aux gens, cette petite voix que vous avez tous entendue, cet appel, faites-lui confiance. Au fond, c'est ça. Et au fond, vous avez raison. Si votre émission réussit à ouvrir cet appel, laisser un peu cette braise se rallumer qui a touché tous les êtres, évidemment c'est le mieux, et vous avez raison, c'est cette indifférence qui fait qu'on s'est détourné de ça, qu'on n'y a pas fait droit, qu'on n'y a pas fait confiance, qu'on a cru que c'était des trucs... Tout à fait, ou qu'on l'a mélangé avec la religion. Et c'est tout le problème, c'est que pour beaucoup de gens, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on a jeté la spiritualité avec la religion. Et que c'est vrai que moi j'ai entendu de très nombreuses fois dans des enquêtes sociologiques que j'ai pu faire en tant que sociologue des religions, j'ai très souvent entendu des gens me dire, quand j'ai vu ce qu'était la pratique du christianisme ou du judaïsme ou de l'islam de mes parents, de ma paroisse, etc., eh ben ça m'a dégoûté plutôt que donné envie. Et je crois que c'est ça le grand défi au fond qui se pose pour les traditions religieuses aujourd'hui, c'est de redonner envie, c'est-à-dire de montrer comment la religion porte de la spiritualité. Elle est là pour ça. Elle est là pour aider chaque individu à retrouver une dimension d'enthousiasme dans sa vie. Elle est là pour répondre à des désirs les plus profonds et non pas pour simplement apporter du dogme et de la norme. Ah, vous avez tout à fait raison. Je me souviens, moi, à grande honte, je dois confesser, j'ai lu pour la première fois de ma vie les évangiles, j'avais 30 ans. J'avais jamais lu avant et je les ai lus, j'ai rien compris. Ça ne ressemblait à rien de ce que je croyais qu'était le christianisme. Et vous avez raison. Un rapport direct, par exemple, au texte, peut avoir des effets complètement surprenants. Alors, est-ce que la spiritualité, et on va conclure cet entretien par cette question-là, au fond, de manière ultime, ça ne nous conduit pas à l'amour? Oui. Si on réussit à comprendre que... à trouver une entente de l'amour non mièvre. Parce que souvent, l'amour, c'est vraiment quelque chose de complètement mièvre. Donc, comment réussir à comprendre l'amour à neuf? Alors d'abord, à mon avis, une voie, enfin, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est vrai que c'est la conclusion même du livre, mais je crois que l'amour doit d'abord naître d'une amitié pour soi-même. Si on touche pas quelque chose d'une amitié pour soi-même, ce sera vraiment difficile. Et ça aussi, c'est un des signes très étonnants de l'Occident. Nous ne nous aimons pas. Et le Dalai Lama avait rencontré des enseignants occidentaux il y a une dizaine d'années. Ils avaient demandé quels problèmes principaux et tous les étudiants avaient dit le problème majeur. Enfin, tous les enseignants bouddhistes occidentaux avaient dit le problème majeur que nous avons, c'est les occidentaux ne s'aiment pas. Et Dalai Lama ne comprenait pas. Ils ont mis un quart d'heure de traduction pour réussir à qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Et ce manque d'estime de soi, c'est vraiment problématique. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas. On nous a tellement bassiné avec le fait qu'il fallait aimer, il fallait rentrer dans l'amour, sans nous montrer comment pouvoir toucher nos propres blessures, que cet amour est fabriqué ou très pauvre. L'amour, c'est aussi accepter la nudité et la fragilité et la gratuité. On ne peut pas le maîtriser. L'amour, c'est ce qui vient par surcroît, ce qui vient qu'on ne peut pas le demander, on ne peut pas l'exiger. Donc, on retrouve ici le dénuement et la pauvreté dont on a parlé. Et enfin, quand on parle d'amour, véritablement, on rencontre à quel point on manque à l'amour. À quel moment on blesse l'amour. Si des auditeurs pensent qu'ils sont en vérité dans l'amour, ils n'ont pas compris ce qu'est l'amour. Si vous sentez au contraire que vous ne savez pas ce qu'est l'amour, que vous ne savez pas aimer, que l'amour est loin de vous, alors vous êtes véritablement en rapport à l'amour. L'amour, c'est rencontrer son propre manque d'amour, son propre manque à l'amour. Et c'est ça qu'il est important de découvrir. Vous êtes sur France Culture, Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Midal qui vient de nous parler avec beaucoup de justesse, de profondeur, de la spiritualité. Pourquoi avoir choisi ce morceau de Varèse ? Parce que je trouve qu'il risque la liberté, qu'il invente tout. Varèse est peut-être le plus grand musicien du XXe siècle. Il réinvente tout dans la solitude la plus grande, il réentend les sons, il fait une expérience complètement neuve et personne ne le comprend à son époque. Et c'est très touchant. Et voilà pourquoi Vous aimez bien les refondateurs. On voit Cézanne en peinture. Oui, on voit... J'aime bien ceux qui risquent quelque chose, quand on les écoute ou quand on les lit ou quand on les regarde, on est déstabilisé. Parce que dans cet interstice, quelque chose s'ouvre à neuf. Comme j'aime quand je rencontre quelqu'un, de ne pas tout savoir de lui et devoir être interloqué par ce qu'il est et pouvoir le découvrir à neuf. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Risquer la liberté, aux éditions du Seuil. Nous allons maintenant passer dans la deuxième partie de cette émission. Fabrice Midal reste avec nous et va continuer d'intervenir, mais je vais donner la parole à Lélie Anvar. Alors, Lélie Anvar va donc être présente à chacune de ces émissions comme chroniqueuse. Lélie Anvar est maître de conférence au Langso, spécialiste de la littérature mystique et spirituelle. Elle est aussi chroniqueuse au Monde des Religions et elle écrit des très belles chroniques sur des ouvrages qui sont porteurs d'une dimension spirituelle. Ça peut aller du Petit Prince de Saint-Exupéry aux Contemplations de Victor Hugo, en passant par Hamlet de Shakespeare. Et je lui ai demandé de venir à chaque émission pour nous lire des textes, parce que Lélie est également comédienne de théâtre, donc elle fait des très belles lectures. J'ai eu l'occasion de l'entendre déjà plusieurs fois. Et donc Lélie va nous lire à chaque fois deux textes, un qui sera choisi par l'invité d'émission, donc en l'occurrence Fabrice Midal aujourd'hui, et un autre choisi par elle. Et donc Lélie, je vous laisse nous dire quel texte vous allez nous lire en premier. Oui, vous aimez en effet ceux qui risquent la liberté, et entre autres vous aimez apparemment énormément Rainer Maria Rilke. Vous avez donc choisi un texte de lui. Pas un texte poétique néanmoins, c'est un texte en prose, mais je ne sais pas si vraiment l'écart est si grand, parce que chez Rilke, la prose atteint souvent les sommets de la poésie. Et donc le texte que vous avez choisi est extrait de la lettre du jeune travailleur, ici dans une belle traduction de Gérard Pfister, parue chez Arfeuillen. Le Christ a certainement voulu la même chose, montrer. Mais les hommes d'ici ont été comme les chiens, qui ne comprennent pas ce que montre le doigt, et croient qu'ils doivent l'attraper. Ce croisement où se dressait très haut le poteau d'orientation dans la nuit du sacrifice, la chrétienté, au lieu de le prendre pour point de départ, s'y est installée, et elle prétend habiter là, dans le Christ. Alors qu'en lui, il n'y avait pas de place, pas même pour sa mère ni pour Marie-Madeleine, comme en tout être qui montre, qui est geste et non séjour. Et c'est pourquoi il n'habite pas le Christ, ces forcenés du cœur qui toujours le fabriquent à nouveau et vivent de dresser des croix, penchées ou battues par les vents. Ils l'ont sur la conscience, cette bousculade, ce piétinement sur la place surpeuplée. C'est par leur faute que la marche ne continue pas dans la direction indiquée par les bras de la croix. Le christianisme, ils en ont fait un métier, une occupation bourgeoise, un travail à façon, un réservoir qu'on vide et qu'on remplit sans fin. Tout ce qu'ils font par eux-mêmes, selon leur nature incoercible, est en contradiction avec ce dessein spécifique. Et c'est pourquoi ils souillent leurs propres eaux et doivent sans cesse les renouveler. Pas un instant, ils ne relâchent leurs ailes à abîmer et dégrader l'ici-bas, envers lequel pourtant nous ne devrions avoir que gratitude et confiance. Et ainsi, chaque jour davantage, ils livrent la terre à ceux qui sont prêts à en tirer au moins un bénéfice temporel et un profit rapide. Cette terre ratée, cette terre suspecte qui, au fond, ne mérite pas mieux. Cette exploitation croissante de la vie n'est-elle pas la conséquence d'une dépréciation de l'ici-bas qui dure depuis des siècles? Quelle folie de nous détourner vers un au-delà, alors que nous sommes ici pressés de toutes parts, de tâches et d'attentes et d'avenir. Quelle imposture de confisquer les images de l'extase d'ici-bas pour les marchands des rociels derrière notre dos. Oh, il serait grand temps que cette terre spoliée récupère tous les emprunts qu'on a faits à sa béatitude pour en parer un au-delà futur. Nous retrouvons là tous les thèmes, je crois, que vous avez évoqués sur la présence, ici et maintenant, de la vraie expérience de la béatitude. Et je crois que c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce texte. C'est magnifique, Rilke, qui est celui qui a entendu les anges comme personne au XXe siècle, et celui qui dénonce la perte du rapport à l'ici-bas et l'exploitation croissante de la terre. Et il écrit ça bien avant notre temps aujourd'hui, où on en voit la catastrophe. Donc, à la fois, c'est d'une actualité brûlante, et à la fois, à mon avis, il dit de la manière la plus belle ce que c'est la vérité spirituelle. Oui, et en même temps, il est profondément enraciné dans ce christianisme qu'il inspire, et profondément en rupture avec la manière dont le christianisme a été dévoyé, alors surtout à son temps, en son temps, en ce début du XXe siècle, on voit l'empreinte très profonde du romantisme allemand chez lui, et ce refus du matérialisme et de la direction que prend finalement l'Occident et qui nous mène aujourd'hui à la description que vous avez faite. Et je crois qu'il y a quelque chose de très prémonitoire dans ce texte, et en même temps, on le voit profondément ancré dans la grande tradition de la poésie et de la pensée allemande. Oui, en même temps, il est tout nu. Il est comme Saint François d'Assise qui l'aimait tant, il est tout nu dans notre temps, et il tente comme il peut d'essayer de trouver une orientation possible. Et de ce point de vue-là, il est exemplaire de comment on peut trouver un chemin. Et on sent, il est tout nu, il sent que, comme il dit dans un autre texte, nos traditions ont cessé d'être conductrices, branches mortes, que n'alimentent plus l'énergie des racines. Et au fond, sa question, c'est comment retrouver des racines, et il faut tâtonner et avancer comme ça. Oui. Alors, le deuxième texte que j'ai choisi, justement, reprend les thèmes que vous avez évoqués, et en particulier la question du désir et la manière dont la quête spirituelle est profondément, ne peut être que profondément ancrée dans le désir. C'est un texte de Jalal ed-Din Rumi, grand poète mystique du XIIIe siècle, qui a été l'inspirateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les derviches tourneurs. Donc, il écrit en persan. Et je vous livre ici donc la traduction d'un de ses plus célèbres poèmes sur la question du désir spirituel. Montre ton visage, car les jardins et les roseraies sont ce que je désire. Ouvre les lèvres, car le sucre abondant est ce que je désire. Ô soleil de toute beauté, sors un instant des nuages, car ce visage rayonnant de lumière est ce que je désire. J'ai entendu dans ton ciel l'appel du tambour au faucon. Tel un faucon, je suis revenu, car le bras de mon roi est ce que je désire. Le pain et l'eau de ce monde sont comme une crue infidèle. Moi, je suis un poisson, une baleine. L'océan est ce que je désire. Tel Jacob en ma douleur, je pousse bien des soupirs. Revoir mon beau Joseph de Canaan, voilà ce que je désire. Sans toi, en vérité, le sais-tu, la ville m'est une prison. L'errance, la montagne et les plaines sont ce que je désire. Hier, avec une lampe, le sage faisait le tour de la ville en disant « Je suis là des monstres et des démons, l'homme est ce que je désire. » Cela ne se trouve guère, lui dit-on. Nous avons cherché déjà. Il répondit, ce qui ne se trouve, c'est là ce que je désire. Il est caché au regard, et tous les regards sont de lui. Celui dont l'œuvre est visible et qui reste invisible est ce que je désire. J'ai maintenant dépassé toute espérance et tout désir, car par-delà l'espace, et le temps, les fondements sont ce que je désire. Je crois qu'on voit bien ici cette articulation entre l'élan intérieur et la façon dont le monde informe en permanence le chemin à suivre. Et chez Rumi, évidemment, l'amour est absolument central. Et pour lui, il est impossible de cheminer sans justement ce dénuement qu'amène l'amour et dont vous avez si bien parlé. Sans cesse, on le voit bien, c'est le désir qui lui permet de réalimenter la figure de l'amour et donc réalimenter le sens de sa propre vie. Et on le voit bien apparaître ici avec cette allusion à Diogène qui nous rappelle Nietzsche aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, puisque vous parlez aussi beaucoup de Nietzsche dans votre livre. Cette allusion à Diogène qui, en plein jour, cherche avec une lampe un homme, un véritable humain, et on lui dit que le véritable humain est ceux qui ne se trouvent. Et évidemment, je crois que chez Rumi, mais chez beaucoup d'autres poètes mystiques, le vrai sujet de la quête, c'est ceux que l'on ne peut pas trouver. Parce que si on croit qu'on a trouvé et qu'on est dans l'incertitude, alors évidemment, on est hors champ de cette quête spirituelle. Merci Lélie. Lélie, je rappelle que vous êtes aussi une très bonne traductrice de Rumi et que vous avez publié un ouvrage sur Rumi. Est-ce que vous connaissez Rumi, Fabrice Midal? Non seulement je connais Rumi, mais je connaissais le livre de Lélie Renvard, que je trouvais magnifique, qui est publié aux éditions Entre-là. Et évidemment, Rumi, c'est une des lectures les plus aisées, disons. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont un peu difficiles pour le grand public, mais Rumi, ça vous touche droit au cœur. Et même si moi, je connais très mal la tradition de l'islam, Rumi, c'est merveilleux. Alors, nous arrivons à une troisième partie de cette émission, mais qui aujourd'hui va être un peu particulière. Parce que moi, je souhaiterais beaucoup qu'il y ait un échange, un dialogue avec les auditeurs. Alors, c'est quelque chose qui se fait très peu sur France Culture, mais puisqu'on parle de refondation, puisqu'on parle de sortir des traditions et de pouvoir innover, réinventer et prendre des risques, alors c'est ce que nous allons faire ici dans cette émission Les Racines du Ciel. Et donc, je souhaite que ceux des auditeurs qui ont envie de poser des questions, de dialoguer avec moi, puissent le faire. À chaque émission, il y aura un temps qui sera consacré à cet échange avec les auditeurs. On peut revenir sur le thème, évidemment, de l'émission précédente. Ça peut être aussi des questions qui ont trait, en général, à la spiritualité, à la religion, au sacré, à la philosophie, à tous ces liens complexes entre tous ces domaines qui se croisent, qui se juxtaposent. Ça peut être des questions d'actualité. Il peut y avoir un événement, notamment lié aux religieux, qui inspire un certain nombre de questions des auditeurs. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez me poser des questions, vous envoyez un mail à l'adresse suivante, les racines du ciel, tout attaché, en minuscule, @radiofrance.com. Donc les racines du ciel @radiofrance.com. Et ensuite, précisez bien non seulement dans le mail votre question, mais donnez également vos coordonnées téléphoniques, puisque nous allons vous contacter par téléphone pour qu'on puisse avoir un échange, un dialogue lors de la prochaine émission. Donc voilà, cette rubrique ne commencera véritablement que la semaine prochaine. Donc nous allons aujourd'hui terminer cette émission avec notre invité Fabrice Midal et avec notre chroniqueuse Lélie Envard pour parler un petit peu, ce que nous ferons à chaque fois en fin d'émission, de l'actualité culturelle qui a trait à la spiritualité de manière large. Et je voudrais savoir si vous avez l'un et l'autre quelque chose que vous avez découvert qui est un peu lié à ce qui se passe dans l'édition, s'il y a un spectacle, une pièce de théâtre, quelque chose qui vous a touché, dont vous voudriez parler. Fabrice. Le 11 septembre va ouvrir au musée Jacques Marandré une exposition qui a l'air vraiment exceptionnelle. On va montrer des tableaux de la collection Bruckenthal, qu'on connaît peu en France, avec tableaux de Bruegel, Memling et Van Eyck, qui sont des chefs-d'œuvre de la grande peinture flamande de la Renaissance et qui montrent un visage de l'homme complètement émouvant, touchant. Et je crois que ça sera vraiment une exposition exceptionnelle. En tout cas, moi, j'irai avec impatience. Lélie ? Alors, je voudrais vous faire part d'abord de l'existence d'une collection lancée par le Seuil, une collection appelée « Voix spirituelle ». à laquelle d'ailleurs vous avez contribué pour un Rainer Maria Rilke. Alors, c'est une jolie petite collection, très bien présentée, qui en fait présente des textes de différents auteurs spirituels, mystiques. Par exemple, bon, il y a un Rilke, il y a un livre consacré à Padre Pio, un sur Catherine de Sienne, enfin il y a un certain nombre de titres qui sont déjà sortis. Et c'est intéressant parce qu'il y a une présentation rapide mais bien faite, normalement, de l'auteur, de la biographie, sa pensée. Et puis chaque texte est précédé d'un chapeau, ce qui est très utile pour entrer, en tout cas pour la première fois, dans la pensée et dans les textes d'un mystique. Et le deuxième livre est une lecture dont je sors un peu émerveillée, je dois dire. C'est un livre de Bernard Sicher, « L'être et le divin » chez Gallimard. Lecture un peu exigeante, il faut le reconnaître, mais néanmoins extrêmement intéressante et inspirante, et qui reprend en réalité beaucoup des thèmes que vous avez évoqués, Fabrice Midal, aujourd'hui, à travers une lecture de Heidegger lisant Nietzsche et lisant Hölderlin. Donc il y a une sorte de mise en abîme en même temps qui est faite, et une grande réflexion sur la manière dont le divin a déserté notre siècle, depuis, en particulier depuis les deux grandes guerres, et la manière dont la métaphysique occidentale s'est chargée d'évacuer le divin de notre pensée et de notre vécu, et comment on peut réenchanter le monde en revivant le divin à travers, entre autres, la poésie et l'art. J'ai lu ce livre et c'est vrai, il nous montre l'importance cruciale de lire Heidegger aujourd'hui et de voir à quel point il pourrait nous aider à trouver une véritable orientation. J'ai vu, Fabrice Midal, que vous étiez vraiment un fan, on pourrait dire, d'Heidegger. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, par rapport à au thème de cette émission d'aujourd'hui, en quoi Heidegger apporte quelque chose de majeur dans cette reconstruction spirituelle ? D'abord parce que il voit le visage de la dévastation d'une manière extrêmement claire, sans être passéiste, mais avec beaucoup de clarté, parce que un des textes les plus importants qu'il écrit, c'est Sérénité, qu'on a peut-être traduit à tort, Gelassenheit, qui est laisser être, tranquillement laisser être, qui est vraiment, au fond, une pensée très profonde de la spiritualité articulée aux enjeux de notre temps. On pourrait traduire en anglais Let it be. Oui, oui. Parce qu'au fond, le cœur de son grand livre Être et Temps, c'est de penser le Dasein, que les professeurs de philosophie de France continuent de traduire par être là, comme le verre qui est là, la tasse qui est là, alors que ça veut dire, ça ne veut pas du tout dire être là, ça veut dire être vraiment l'ouvert, être le là, être entièrement, avoir à être à neuf. Et Heidegger tente de repenser l'être humain. Au fond, on pourrait dire qu'Heidegger est celui qui se dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Avoir dit depuis pendant des siècles que c'était un animal rationnel ne nous dit pas ce qu'il en est de lui. Et il faut réinterroger à neuf ce qu'il en est de l'être humain. Et cette question-là est absolument décisive et cruciale. C'est étonnant comme il y a un refus de l'entendre et une urgence de se remettre à le lire en sortant évidemment de toutes les fausses polémiques qui n'ont été là que pour brouiller l'importance de son œuvre. Alors, je tiens à signaler que cette émission Les Racines du Ciel se fait en partenariat avec le magazine Le Monde des Religions, magazine qui est un bimestriel consacré aux religions et à la spiritualité, qui est en kiosque. Donc, le thème actuel, mais qui va bientôt se terminer, le numéro est en vente, je crois, jusqu'au 5 septembre, qui est sur la sexualité et religion. Donc, on rejoint cette question tout à l'heure dont on a parlé avec Fabrice Midal, et on voit effectivement que les religions ont bien souvent des problème, on va dire, avec la sexualité. En tout cas, ce n'est pas tout. Voilà, malheureusement, et ça, on sait que beaucoup de gens ont été marqués par ça, par une éducation qui les a beaucoup brimés au lieu de donner du sens à la sexualité. Lélie Anvar, quel est le sujet de votre chronique dans ce numéro sur la sexualité ? C'est Le Petit Prince, justement, d'Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi ? Parce que je pense, avec d'autres d'ailleurs, que Le Petit Prince est probablement une des grandes œuvres mystiques du XXe siècle. Je pense qu'il y a vraiment une profonde spiritualité qui se déroule. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez sur l'enfance, sur cette cette quête de l'enfant qui est en chacun de nous et qui on pourrait vraiment mettre Le Petit Prince dans l'agenda assez régulièrement et relire Le Petit Prince régulièrement pour retrouver justement cette part d'enfance qui est la part de l'émerveillement. Je crois vraiment que Le Petit Prince nous apprend à nous émerveiller, y compris en regardant simplement une rose. Bon, on peut dire que c'est une émission très consensuelle. Nous sommes tous d'accord sur effectivement l'émerveillement, l'enfance, la nudité. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. Cette première émission touche à sa fin. Je suis très ému et très heureux d'avoir fait cette émission en présence de Fabrice Midal, de Lélie Anvar. Je remercie beaucoup Fabrice Midal d'être venu pour nous parler de ce thème si complexe et si passionnant de la spiritualité. Je rappelle votre dernier ouvrage, Risquer la liberté, vivre dans un monde sans repères, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Fabrice Midal. Merci. Je remercie aussi Lélie Anvar qui va être présente à chaque émission pour nous lire des textes qu'elle n'a pas toujours traduits. Là, c'était Rumi, mais Lélie nous lira donc des beaux textes de spiritualité dans le patrimoine universel. On touchera évidemment à la poésie, à la philosophie et à la religion, à la spiritualité dans toutes ses dimensions. Les Racines du Ciel, c'était une émission proposée par Frédéric Lenoir, préparée par Marie Dalquier. À la réalisation, Marie-Christine Clauset, prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Bonsoir. La semaine prochaine, nous recevrons Isée Masquelier, historienne des religions, qui nous parlera du silence, un autre thème essentiel de la vie spirituelle que nous aborderons dès cette seconde émission. Nous sommes sur France Culture. Vous pouvez écrire au site franceculture.com et vous pouvez nous adresser des emails à l'émission lesracinesduciel@radiofrance.com. À la semaine prochaine. La dernière ligne droite avant les élections législatives allemandes et la célébration du 20e anniversaire de la chute du mur, France Culture s'invite à Berlin le 4 septembre en direct et en public de l'Institut français de 7h à 10h pour les matins animés par Marc Voinchet, les enjeux internationaux de Thierry Garcin et la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin. Et à 17h sur les docs rediffuses Allemagne, trace ou non trace du rideau de fer d'Olivier Chaumel, réalisé par Nathalie Mathus. Une journée à Berlin, un événement France Culture en partenariat avec Arte. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com. Boum, boum, bap, deux. Votre soirée sur France Culture, 22h15 après l'actualité, hors champ par Laura Adler. Un nouveau rendez-vous avec celles et ceux qui, loin des feux de la rampe ou de l'actualité, sont dans la vie artistique, culturelle ou humanitaire. Ce soir, Claire Désert, pianiste. 23h, Les Passagers de la Nuit par Thomas Baumgartner qui nous invite à voyager dans l'univers radiophonique. Petits modules successifs, plein d'inventions et de diversité pour vous faire entendre une radio qui s'amuse. 23h50, Du jour au lendemain par Alain Weinstein. Entretien avec José Alvarez pour son livre Anna la Nuit, publié aux éditions Grasset. Bonne soirée à vous, il est 22h, tout de suite, regard sur l'actualité. Un journal présenté par Antoine Marette, bonsoir. La France adopte des positions de plus en plus extrémistes. Elle a décidé de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran et c'est inacceptable. Réaction tout à l'heure de Téhéran après la déclaration hier de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État avait affirmé que le peuple iranien méritait mieux que ses dirigeants actuels. Des dirigeants et parfois même des dirigeantes. C'est l'originalité du probable prochain gouvernement iranien. L'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad voudrait bien y voir des femmes. Trois sont pressenties pour en faire partie. Et aujourd'hui, c'était le grand oral face au Parlement, Servoj Ghazi. C'est la première fois depuis la révolution islamique il y a 30 ans que des femmes sont nommées au gouvernement. Le président Ahmadinejad a choisi trois femmes sur les 21 membres de son cabinet. Des dignitaires religieux ont pourtant dénoncé la décision du président Ahmadinejad en affirmant qu'elle était contraire à l'islam. L'islam respecte la femme, mais cela ne veut pas dire qu'on doit leur laisser des positions sociales importantes, a déclaré récemment l'ayatollah Ahmad Khatami, un religieux conservateur. Intervenant devant le Parlement, Marzieh Vahid Dastgerdi, pressenti pour être chargé du portefeuille de la santé, a rajouté cette vision des choses. Le renforcement du rôle d'actif et constructif des femmes peut compléter les efforts des hommes et permettre le progrès de la société, a-t-elle déclaré. Lorsque les hommes et les femmes rejoignent leurs efforts, des miracles se produisent, a-t-elle encore ajouté. La nomination de femmes dans le gouvernement est le signe de l'évolution de la société iranienne. En effet, le pays compte aujourd'hui 1 600 000 étudiantes, ce qui représente plus de 60% du corps étudiant. Les deux autres femmes, Fatemeh Ajerlou et Susan Keshavarz, qui sont des conservatrices, doivent occuper le portefeuille de la sécurité sociale et de l'éducation. Marzieh Vahid Dastgerdi a demandé aux députés de voter la confiance pour montrer au monde que les hommes iraniens considèrent les femmes avec respect. Et le vote de confiance devrait en principe intervenir demain. Vladimir Poutine en mode repentance, c'est suffisamment inhabituel pour être signalé. Le Premier ministre russe vient d'affirmer que tous les pactes conclus avec l'Allemagne nazie entre 34 et 39 étaient inacceptables, comme le pacte de germano-soviétique signé en 39. Une initiative dépourvue de sens politique, nuisible et dangereuse, déclaration forte de Poutine à l'occasion des cérémonies du 70e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk. Nous devons admettre ces erreurs. Notre pays l'a fait. Nous sommes en droit d'attendre la même chose des autres pays qui ont également conclu des accords avec les nazis, a conclu le dirigeant russe. 40 ans de tyrannie, ça se fête. Le colonel Kadhafi a célébré en grande pompe les 4 décennies d'un pouvoir sans partage. Mais être un dictateur dans son pays n'empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec l'extérieur, comme en témoigne la présence de nombreux dignitaires étrangers. Même la France était de la partie. Le pays des droits de l'homme était représenté par le secrétaire d'État à la coopération, Alain Jouyandet. Sur place, la correspondance de l'envoyé spécial de RFI, Jean-Karim Fall. Lunettes de soleil, en grand uniforme militaire, la veste bardée de médailles, le colonel Kadhafi, toujours aussi théâtral, est arrivé avec plus de 2 heures de retard sur le programme prévu. Sur la tribune officielle, dressée sur la place verte, au lieu de la révolution libyenne, beaucoup de chefs d'État africains. Le soudanais Omar el-Béchir, l'algérien Bouteflika, le tunisien Ben Ali, le tchadien Idriss Déby, bref, une trentaine de présidents, dont le nouvel ami et allié du colonel Kadhafi, le vénézuélien Hugo Chavez. À l'exception du président serbe, aucun dirigeant européen n'était présent. La France était représentée par son secrétaire d'État à la coopération, Alain Jouyandet. C'est l'aviation qui a ouvert cette parade militaire. Tous les appareils de l'armée de l'air libyenne, hélicoptères, avions de chasse, avions de transport, ont survolé la place verte. Les 2 rafales français ont effectué plusieurs passages à basse altitude. Puis, ce fut le tour des troupes à pied. Des contingents d'une 20aine d'armées africaines ont défilé au pas cadencé. Matériel lourd, camions, chars, bref, l'armée libyenne a étalé tout son matériel sous le regard du colonel Kadhafi, assis derrière une épaisse paroi de verre blindé pour le protéger. En France, la PHP mise en examen pour homicides involontaires dans l'affaire de Lyon-Jaune-et-Lauz à l'hôpital Pompidou à Paris. Il y avait eu plusieurs morts entre 2000 et 2001. Les matériaux utilisés pour la fabrication des tuyauteries de l'établissement avaient été incriminés. Une instruction avait été ouverte après la plainte de la famille d'une victime. La juge d'instruction a retenu les charges de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui. C'est une petite révolution qui s'engage aujourd'hui dans le système judiciaire français avec la remise du rapport Léger à Nicolas Sarkozy. Après plusieurs mois de travail et 2 démissions au sein du comité qu'il a présidé, l'ancien avocat général Philippe Léger a remis ses conclusions au président de la République. La réforme prévue en 2010 prévoit d'accorder des pouvoirs accrus au parquet, mais surtout, elle envisage la suppression du juge d'instruction, ce qui provoque pas mal de remous, en particulier chez les magistrats. Je vous propose d'écouter Dominique Coujard, président de la Cour d'assises de Paris et ancien président du syndicat de la magistrature. L'intérêt du juge d'instruction, il avait beaucoup de défauts.